Aujourd'hui, j'ai fait de la pluie encore, malheureusement, avec des averses présentes sur toutes les régions depuis ce matin. Elles sont plutôt faibles, même si on a du mal à y croire. Elles vont s'intensifier dans le courant de la matinée. Cet après-midi, maussade également, avec toujours des averses parfois intenses sur une bonne moitié sud du pays. Bruxelles sera concernée, Le Hainaut, Liège, Namur également. On aura un temps un peu plus sec vers le nord du pays, peut-être même un petit rayon de soleil qui parviendra à filtrer du côté du littoral. Le vent sera encore sensible, le mercure un peu plus clément qu'hier, 18 à 21 degrés. Une amélioration est prévue pour demain. On aura encore un ciel assez chargé au sud du Sion, Sambre et Meuse, mais un temps globalement plus clair et plus sec et une fourchette de 16 à 21 degrés. Il est 8h et à la une de l'actualité ce matin, on reparle du décret inscription et de certains de ses effets pervers. Certains élèves n'ont toujours pas de place dans l'école de leur choix, parfois à cause d'un déménagement au moment de l'inscription. Dès cet instant, nous avons introduit une demande auprès de l'Institut Sainte-Marie de la même commune et d'emblée, puisque l'argument qui prévaut, c'est le domicile au moment de l'inscription, notre fille n'a pas été acceptée dans cette école. Les parents de l'élève en question ont déposé plusieurs recours, explications dans une minute. Les médecins se font rares à la campagne comme à la ville. Dans la région de Charleroi notamment, les jeunes généralistes sont débordés. De plus en plus de messages racistes sur les réseaux sociaux. Le Centre pour l'égalité des chances a été saisi de plusieurs plaintes suite aux commentaires entourant la mort d'un jeune flamand d'origine marocaine. En football, Anderlecht joue son avenir en Ligue des Champions. Ce soir, match retour face aux Russes de Rostov. Et puis à deux jours de l'ouverture des JO, la situation vécue par les Brésiliens expulsés de leur maison pour réinstaller les infrastructures olympiques. Reportage d'un de nos envoyés spéciaux en fin de journal. Et nous sommes à un mois de la rentrée scolaire. Certains élèves n'ont donc toujours pas de place dans l'école de leur choix. Oui, la faute parfois à certaines incohérences du fameux décret inscription. Et c'est le cas de Clara, 12 ans, qui souhaite intégrer l'Institut Sainte-Marie de Rèves dans le Hainaut, là où elle habite depuis le 1er juillet. Le problème, c'est que lors de son inscription en février dernier, elle habitait encore à Gosselies, à 15 km de là. Les explications de Sarah Deveau avec Cédric Loriot. En janvier dernier, les parents de Clara décident d'acheter une nouvelle maison à Rèves, dans la commune des Bonvillers. Un mois plus tard, lors de la première vague d'inscription dans le secondaire, le papa, Pierre-Paul Périeux, se rend directement à l'Institut Sainte-Marie, un établissement très demandé de la région situé tout près de leur future maison. Dès cet instant, nous avons introduit une demande auprès de l'Institut Sainte-Marie de la même commune et d'emblée, puisque l'argument qui prévaut, c'est le domicile au moment de l'inscription. Notre fille n'a pas été acceptée dans cette école. Et cela malgré les preuves administratives présentées à l'école. Nous avions communiqué le compromis de vente, la promesse d'achat, et a fortiori, quelques mois plus tard, la preuve de notre domiciliation dans la commune de Rèves. Clara est alors redirigée vers deux écoles de Gosselies, là où elle n'habite plus depuis le 1er juillet, à 15 km de sa nouvelle maison, 1h30 en bus pour y aller. Une incohérence du décret qui poussera les parents à introduire plusieurs recours, deux devant la commission des inscriptions et même un devant le Conseil d'État, tous rejetés parce que l'adresse au moment où vous inscrivez votre enfant est la seule qui prévaut et non pas l'adresse au moment où notre enfant intègre l'école. Ça veut dire que si vous déménagez à 50 km, comment est-ce qu'on fait? Alors vous avez posé cette question-là? Nous l'avons posé et nous n'avons pas eu gain de cause. Un nouveau recours sera examiné le 25 août. En attendant, Clara est 13e sur la liste d'attente à l'école de Rèves. Belnet est à nouveau opérationnel. Ce réseau qui fournit plusieurs sites web d'universités et de services publics a connu une panne hier, rendant ces sites temporairement inaccessibles. Tout est rentré dans l'ordre ce matin. Et la pénurie de médecins généralistes qui est loin d'être terminée. Oui, 123 communes de Wallonie sont concernées, avec des jeunes médecins débordés, des consultations parfois reportées au calende grec. On pense que la pénurie de généralistes touche surtout les zones rurales, mais les grosses agglomérations sont aussi fort impactées. Reportage dans la région de Charleroi de Maxime Paquet. Les journées sont chargées pour ce jeune médecin. Écoutez, aujourd'hui, je suis complet. Je peux essayer de l'intercaler si ça va vraiment pas. Arnaud François exerce depuis un an et demi à peine à Pont-à-Sel, à quelques kilomètres de Charleroi. Voilà, ça, c'était la semaine passée. On était pourtant dans les vacances, la période qui est normalement censée être la plus calme. Et pourtant, je déborde partout. Je ne sais pas si c'est normal pour un médecin de 30 ans d'avoir autant de travail. 12 heures par jour, facilement. Nous sommes dans une zone densément peuplée, mais en pénurie de médecins généralistes. Le phénomène n'est pas seulement rural. Il touche aussi les zones plus urbaines. La région de Charleroi compte moins d'universitaires qu'ailleurs et donc forcément moins de médecins. Mais ce n'est pas tout. Gianni Maraschiello, responsable administratif de la Fédération des généralistes de Charleroi. Certaines régions ont malheureusement un déficit d'image. Ces stéréotypes sur une patientèle prétendument difficile, Delphine Hiroux est passée au-dessus. C'est vrai que quand on dit qu'on travaille dans la région de Charleroi, on fait peur à tout le monde. On se demande, Charleroi, où tu n'as pas peur de faire tes gardes le soir? Originaire de Braine-le-Comte, elle exerce comme médecin généraliste depuis 10 mois à Marcinelle. On n'a pas que du social, les gens ne sont pas plus difficiles qu'ailleurs. On n'est pas plus dérangé qu'ailleurs, c'est pas le cas. Avantage de l'inconvénient, les jeunes médecins installés dans le Grand Charleroi voient leur patientèle se compléter en quelques mois à peine. De quoi faire pâlir d'envie certains confrères installés ailleurs. Alors, quelles sont les solutions pour résoudre la pénurie de médecins? Pour le docteur Paul Demenck, président du groupement belge des omnipraticiens, il faut redorer l'image du généraliste chez les plus jeunes. Écoutez. Il faut sensibiliser les jeunes étudiants en fin de secondaire pour montrer ce qu'est la médecine générale, que c'est un métier fantastique et que c'est un métier qui peut encore évoluer dans le bon sens et que c'est un métier qu'on peut pratiquer avec les nouvelles préoccupation des jeunes, c'est-à-dire de veiller à un équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Ce jeune médecin enthousiaste, dynamique, motivé, qui a l'air pleinement heureux, et je m'en réjouis, dit qu'il travaille déjà plus de 10 heures par jour. Il a 30 ans, combien de temps va-t-il tenir? Donc, ce qu'il faut faire, c'est aménager pour que demain, on ait suffisamment de jeunes qui puissent s'intéresser à cette profession. Et donc, il faut faire quelque chose avant l'université, il faut faire quelque chose pendant le cursus universitaire, et il faut faire quelque chose après l'université. Des propos recueillis par Robin Cornet. Et cette question, les réseaux sociaux sont-ils devenus le terreau des messages à caractère raciste? Le phénomène est en augmentation selon le Centre pour l'égalité des chances, l'UNIA, qui a reçu plusieurs plaintes récemment suite aux articles parus sur la mort d'un jeune Belge d'origine marocaine, un flamand de 15 ans décédé dans un accident de quad lors de ses vacances au Maroc. Le déferlement de commentaires haineux sur les réseaux sociaux n'a pas tardé. Le monde politique flamand condamne. Les explications de Baptiste Tupin. Des signalements de commentaires à caractère raciste sur Internet, UNIA en reçoit tous les jours. Ils pullulent sur les réseaux sociaux côté flamand et francophone. Patrick Charlier, directeur adjoint de UNIA, décrit un phénomène en augmentation, d'abord parce que les réseaux sociaux sont de plus en plus utilisés, mais aussi en raison de l'actualité. L'année passée, qui était particulièrement dure avec les attentats à Paris, et puis cette année-ci à Bruxelles, on a vu une augmentation de signalements liés à des propos souvent à caractère islamophobe, mais on a aussi vu au moment de l'arrivée en Europe d'un nombre important de demandeurs d'asile ou de réfugiés, une augmentation significative du nombre de propos à caractère xénophobe. De plus en plus souvent aussi, ces commentaires haineux sont écrits sans que leurs auteurs ne cachent leur identité. De moins en moins de gens utilisent des pseudos ou se cachent derrière des identités créées et interviennent sous leur propre nom. C'est quelque chose qui nous étonne même parfois, comment est-ce qu'on ose dire ce type de propos-là. UNIA entre régulièrement en contact avec les réseaux sociaux pour tenter de faire retirer les propos haineux. Le Centre pour l'égalité des chances fait suivre les plaintes à la justice dans les cas les plus graves. En France, la place de la République de Paris va retrouver son aspect normal. Oui, cette place devenue le symbole du recueillement après les attentats avec ses drapeaux, ses bougies. La mairie a décidé de tout enlever, enlever aussi les tags dessinés après l'attaque du 13 novembre et de Charlie Hebdo. Le reportage de notre confrère de France Info, Lauriane Delanoë. Des mois de rassemblement emportés en un jet d'eau. Daniel observe en voisin, derrière les barrières. C'est pas des simples marques comme ça. Vu les événements qu'il y a actuellement, peut-être qu'il a fallu les laisser un peu plus longtemps. Je suis d'accord, devant, ça fait bizarre d'avoir enlevé les fleurs, les photos, les choses comme ça. Ça fait un peu bizarre, mais sinon, nous, on passe aussi devant comme ça. Donc ça fait du bien de nettoyer la place aussi. Et ça n'efface pas la douleur, assure Penny. Cette Anglaise rend visite à son fils qui habite à deux rues de la statue. C'était tellement horrible qu'on n'oubliera pas. Je suis venue deux jours après Charlie Hebdo, on a allumé des bougies. C'était ce qu'il y avait à faire après les attentats. Très émouvant. Les gens en avaient besoin. Mais je ne pense pas qu'il faille laisser un si beau monument dans cet état délabré. Avant de sortir les Karchers, la mairie a collecté ses hommages. Les tags ont été photographiés. Ils seront consultables aux archives de Paris et bientôt au musée Carnavalet. Imed sort lui aussi son appareil photo pour avertir les clients de son hôtel du renouveau de la place. Elle avait été restaurée il y a 3 ans. Quand on a fait cette place-là, on a nettoyé, on a dépensé des millions d'euros pour avoir une place de festivité. Après, il y aura des shows, il y a de la musique, il y a beaucoup de choses. La vie reprend son cours et la place doit reprendre son cours. Avec les bougies et les drapeaux, oui, ça donnait un peu de sens. Mais là, avec les tags, c'est une statue malade. C'est une statue malade qui a besoin d'être soignée. Avis aux taggeurs, la mairie de Paris promet maintenant des amendes contre ceux qui reviendront noircir le socle de la statue. Lauriane Delanoë de France Info. La présidence de Barack Obama est un désastre, c'est la réponse de Donald Trump au président américain. La réponse du berger à la bergère, puisqu'un peu plus tôt, Obama avait jugé Trump indigne d'un président. Il a même invité les républicains à ne pas voter pour Donald Trump. Ce que compte d'ailleurs faire l'un d'eux, un parlementaire républicain a affirmé qu'il votera pour Hillary Clinton, la candidate démocrate. C'est une première. La planète a chaud, très chaud. Selon un dernier rapport international sur le réchauffement climatique, tous les indicateurs sont dans le rouge. 2015 a battu tous les records de température et le niveau de la mer et les émissions de gaz à effet de serre n'ont jamais été aussi élevés. 8h11, le 8-9 sport, et avant de se rendre à Rio, du football d'abord, puisqu'Anderlecht joue son avenir européen ce soir. Oui, les Mauves reçoivent les Russes de Rostov en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. À l'aller, le Sporting avait partagé l'enjeu 2-2, un résultat qui place les Bruxellois en ballotage favorable. Il suffit d'un nul ou d'un partage pour la qualification. Mais les maths, c'est très peu pour l'entraîneur. On écoute René Weiler. Ce sont des journalistes, peut-être des supporters qui calculent comme ça. Moi, je ne suis pas comme ça, les joueurs non plus. Il faut, dans tous les matchs, essayer de ne pas encaisser un but. Il faut tout le temps essayer de créer des occasions pour marquer un but. Demain, on va essayer de gagner ce match-là. Mais bien sûr, nous savons aussi qu'on a le résultat 2-2. Et si on joue à la fin 1, on est quand même assez content. Anderlecht, Rostov, coup d'envoi ce soir à 20h45. Et nous voici donc au JO à deux jours de l'ouverture à Rio. Les organisateurs mettent la touche finale aux installations. Nos hockeyeurs, eux, terminent leur préparation. En match amical, les Red Lions ont été battus par l'Argentine hier 1-4. Ce mercredi, ils affronteront l'Allemagne, championne olympique en titre. Un gros morceau pour la Belgique qui est mais idéal pour se préparer au tournoi olympique. 9e à Pékin en 2008, 5e à Londres en 2012. Les Red Lions sont à Rio pour faire encore mieux, évidemment. On écoute l'attaquant Tom Bone. L'erreur qu'on a un peu fait à Londres, c'est que notre objectif le plus haut n'était pas assez haut au final, parce qu'on a dit qu'on voulait terminer 5e, ce qu'on a réussi. Après coup, on s'est dit que c'était être un peu bas, donc voilà, on veut pas se mettre d'objectif, on veut jouer match par match, arriver le plus fort possible en quart et gagner ce quart, et une fois que le quart est gagné, ben tout reste possible. Pas d'objectif chiffré avant l'entrée dans la compétition? Non, c'est vraiment arriver le plus haut possible dans la poule, avoir un quart le plus facile possible, et puis gagner ce quart, et une fois qu'on est dans le dernier carré, ben on verra ce qui peut se passer. Une interview de Kevin Papen. Les Red Lions débuteront leur tournoi olympique ce samedi face à la Grande-Bretagne. Et dans la ville, c'est toujours la course contre la montre entre les chantiers inachevés et la crise politique et économique qui secoue le Brésil. L'image du pays est un peu écornée. Et puis il y a ces familles expulsées de leur maison pour pouvoir y construire de nouveaux bâtiments pour les Jeux. Éric Libois est allé à la rencontre d'un habitant d'une favela. À sa maison est la dernière à avoir résisté à la destruction. Falou inglês, acabou a moça. À quelques mètres du centre de presse dont les hôtesses enchaînent les sourires, bien cachés par des grillages, un terrain de bricaillon et quatre murs à ciel ouvert en passe de s'écrouler. Carlos Augusto, 53 ans, vit là avec sa femme et son chat. Il est le dernier de la favela à résister. J'ai construit cette maison moi-même, mais ils vont tout détruire car ils veulent montrer une belle image. On était 20 familles à résister, la mairie a fait pression, la police nous a agressés, ils ont chassé les autres avec de l'argent. C'est une bataille qu'on ne peut pas gagner. Quelques heures plus tard, les pelleteuses ont emporté sa maison. Demain, Carlos Augusto sera relogé un peu plus loin et ne lui parlez pas de ces Jeux Olympiques. Nous n'avons pas d'infrastructure, nous n'avons pas de santé. Cette ville a tant de problèmes, elle n'aurait jamais dû héberger ces Jeux Olympiques. Il n'y a pas d'infrastructure, pas d'hôpitaux, pas d'école, pas de sécurité. Chaque jour, il y a plus de morts ici que dans les pays en guerre. Ici, c'est la loi du blanchiment et de la corruption. Ils ne laisseront rien à la population. On est au degré zéro de la civilisation. Pourquoi existe cette guerre civile ? En repartant, Carlos Augusto nous remercie de montrer tout cela. Mais il nous prévient aussi, ils vont me faire payer tout ce que je vous ai dit. Dans 2 mois, je serai peut-être mort. C'était un reportage à Rio d'Éric Libois. La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques, pour rappel, aura lieu vendredi. Alors, il est temps de vous positionner. Vous regardez quoi aux Jeux Olympiques? Je suis de ceux qui n'aiment que le plongeon. Vous savez, quand ils vont à 1000 mètres là, et qu'ils sautent pieds joints. Pierre, vous regarderez quoi, vos Jeux? Vous suivez quoi? Le saut à ski. Ah non, c'est pas les bons Jeux. Non, c'est pas les bons. Oh. Allez, plus que 2 ans de patience et vous l'aurez. Guillaume, vous regarderez quoi aux Jeux? Moi, je reste classique, tennis. J'aime beaucoup voir le l'enjeu olympique du tennis. Ah, vous savez qu'il y a eu polémique. Hein. Certains disant dans le tennis que c'était pas le moment d'aller aux Jeux Olympiques, ouais, ça servait à rien. Wawrinka qui veut pas. Julie, vous suivez quoi, vos Jeux? Il n'y a pas le lancer de nains de jardin, un truc pareil? Ils font plus. Oh, non, ils font plus. Le lancer d'enfants, ils font plus non plus. Ils ont arrêté. Ça, j'ai pas dit. Hein? Ah, non, c'est clair. Le football avec des gens, ils font plus non plus. Bon, les Jeux, c'est à partir de vendredi sur Viva, la grande cérémonie d'ouverture à Rio, évidemment. Et puis la Rio House qui est installée à Ostende avec Viva Partenaire. Vous allez d'ailleurs peut-être gagner des places. Vous serez peut-être dans l'événement VIP de vendredi soir. Buvez au moins une coupette de champagne en l'honneur du 8-9. Voici à 8h16 un nouveau 8-9. Stéphane, RTBF Mobile Info. Et attention, si vous circulez sur l'E42 entre Namur et Liège, on vient de nous signaler la présence d'un conducteur fantôme, donc un conducteur qui roule à contresens. Il était il y a quelques instants à hauteur de Saint-Georges. N'effectuez aucun dépassement et tenez bien votre droite. Pas mal d'accidents liés à la pluie aujourd'hui. Soyez bien prudents sur les routes, respectez les distances de sécurité. Un accident s'est produit sur l'autoroute A54 qui relie Nivelles à Charleroi entre Arquen et Petit-Reux. Un accident impliquant un camion et 4 voitures. Et vous êtes ralenti sur ce tronçon. Autre accident sur le 19 en direction de Mons, entre Aubourg et Nîmes. Soyez vraiment prudents parce que la pluie peut faire des dégâts sur les routes. Sur le 40 qui vient de Liège pour rejoindre Bruxelles, un accident nous était signalé à Sterrebeek. La chaussée a été dégagée. Néanmoins, vous perdez encore quelques minutes pour rejoindre Bruxelles, quoique la circulation tend à se fluidifier. 3 minutes supplémentaires à peine. Un accident sur le ring de Bruxelles en circulation extérieure à hauteur de Diegem avant d'arriver à Grand-Bigard. La circulation est légèrement dense à l'approche de cet accident. Sur le ring de la capitale, c'est surtout en circulation intérieure que vous ralentissez suite à la zone de chantier qui est située à Anderlecht. Une 12 minutes supplémentaires entre Ittres et Grand-Bigard. C'est également compliqué de rejoindre Ostende via le 40 Bruxelles-Ostende. 40 minutes supplémentaires en raison d'une zone de chantier située entre Herpemer et Mel. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Dans le fond, c'est fascinant. Même pendant les vacances, il y a des embouts. C'est fascinant. Dans un instant, l'évasion express, vous nous emmenez où, Pierre? Le parc à gibier de Saint-Hubert. Eh ben, vous avez 1 minute pour vous imprégner. C'est après ceci. Tube de l'été. Nouvelles de nos people, des Belges à l'étranger. Radio du Monde, météo des plages. Chaque jour, dès 11h sur Vivacité, détendez-vous. Stéphane Piedboeuf vous emmène sous d'autres latitudes et donne à votre journée un air de vacances. Ce week-end, vous allez en Ardennes? Oh, regarde là-bas! Oh, il est beau le chevreuil! Oh oui! Ou bien dans un bon restaurant? Il est bon le chevreuil, hein? Oui. Avec le billet week-end de la SNCB, vous voyagez aller-retour à moins 50%. Et jusque fin août, votre billet week-end est valable encore plus longtemps, du vendredi matin au lundi soir. Infos et conditions sur letrain.be. Le train. Le 8-9. Alors, prenez votre smartphone dans la main. Si vous regardez sur la une télé, c'est le vrai smartphone que j'ai dans la mienne. Les applis tout à l'heure. Guillaume, vous nous amenez quoi ce matin? Ouais, il va falloir exercer son anglais puisque ce sera Night Swapping et Party Watch. On va savoir où passer la nuit et où passer la soirée. Ah bah, chez des gens? Alors, passer la nuit, oui, parce que c'est un partage de nuit. Donc là, c'est chez des gens. C'est soirée, coquin? Ça peut être des... Ce n'est pas coquin, parce que les gens ne sont pas là quand vous prenez. Donc du coup, c'est... Voilà, c'est... On passe une nuit chez quelqu'un, mais la personne n'est pas là. C'est pas après, coquin. Elle peut rester. Je vois qu'on a perdu une partie du public. C'est pas grave. Les people en vacances tout à l'heure, Julie. Vous voulez du coquin? Je veux du coquin. Il y en aura dans les people en vacances. On va parler d'une grande star du football qui est très coquinou avec une autre star, des fessiers. Vous verrez, c'est ça, assez. C'est cuisine, hein. Ah, ça, c'est bien. Ça vous ferait carrière. Guillaume fera pas carrière, mais vous ferez carrière. Mince. Faire, et le rappel des titres à 8h29 sera coquin aussi, hein Catherine? Si vous voulez. Si, c'est pour faire carrière, dites oui. J'en ai pas besoin. Qui est notre invité tout à l'heure dans les meilleurs moments du 8-9 cette saison? Vous savez que lundi, Overphonic était avec nous. parce qu'ils sont au Brussels Summer Festival. Vous savez que hier, Musti était avec nous. Parce qu'il est au Brussels Summer Festival. Et bien, dans l'affiche du Brussels Summer Festival ce 6 août, il y a ce matin et donc tout à l'heure, Emma Bell. Elle était venue toute fragile, toute belle, et elle avait fait un live ce matin-là dans le 8-9, vous réécouterez ça tout à l'heure. Dans l'immédiat, 8h20, donc avant la grande évasion, Pierre, l'évasion express de ce matin, et nous allons au parc à gibier de Saint-Hubert. Alors hier, on avait passé la tribu de Dana. Dana. Non, c'est ceci. Ah ben forcément. Bah tiens. Ouais. Il y a une thématique cette semaine. Ah oui, bien sûr, le parc à gibier de Saint-Hubert. Alors, vous connaissez l'histoire de Saint-Hubert ? Non. Non, je mets mes lunettes à l'Alain Ducos, je vous la raconte. Et faites-le à Nous sommes au 7e siècle. Ah, c'est fascinant. Saint-Hubert est le seigneur qui chasse le plus. Vous avez un air de père Fouras, un peu. Oui. Je vous le dis dans la voix. Bon, j'en tire les lunettes alors. Et donc, Saint-Hubert est un chasseur, est un seigneur, il chasse beaucoup. Et il décide de partir chasser le Vendredi Saint. Il n'a personne pour l'accompagner parce qu'on ne peut pas. Oui. Il se retrouve tout seul dans la forêt et il rencontre un cerf blanc, qui lui dit « Hubert, arrête tes conneries, arrête de chasser, deviens le saint patron des animaux. » Ah joli, voilà. Ah, joli. Alors il se reconvertit, il devient le saint Hubert que l'on connaît, l'évêque de Tongres et de Maastricht, c'est le saint patron de Liège. C'est même intéressant quand il raconte, parce que je suis sûr que dans un musée je serais passé au panneau suivant. Voilà. Et quand vous le faites, c'est bien. Mais c'est bien. Ouais. Et alors Hubert devient le saint patron de Liège, mais aussi de quoi ? Des chasseurs, de l'environnement, des opticiens paraît-il aussi, je sais pas pourquoi, peut-être parce qu'il avait mal vu le cerf. Oui, il avait un peu voilà. de temps. Merci, et des mathématiciens parce qu'il avait pas mal calculé son coût peut-être aussi, voilà, je sais pas. En tout cas, voilà, il y a Saint-Hubert, donc ça devient la ville des chasseurs, il y a la bénédiction des animaux chaque mois de novembre à la Saint-Hubert qui est le 3 novembre, et il y a un parc à gibier parce qu'on peut observer dans l'Ardenne belge pas mal de gibier pendant l'été. Ils ont encore des cerfs. Ils ont encore des cerfs, il y a des daims, il y a aussi des petits faons, des marcassins, des sangliers, il n'y a pas de loups, il y a peut-être des renards, il y a des belettes, ça je suis d'accord. Et donc on peut aller à ce parc à gibier de 10 à 19 heures tous les jours de l'année, voilà, pour faire des promenades pédestres et découvrir la faune de l'Ardenne. Et en plein air, c'est l'occasion de faire connaissance avec l'équipe. Avez-vous des animaux à la maison, du petit gibier, Guillaume ? Pas d'animaux. Par contre, j'aimerais entendre le brame du cerf une fois dans ma vie. Vous pouvez pas aller au parc à gibier pendant le brame du cerf. Ah, c'était ma question. C'est interdit en septembre et octobre. On peut pas y aller. Ah. Qui s'est imité à cette table le brame du cerf ? Vous attendez quelques minutes, j'y arriverai. Oui, je sais. Alors, Père Fouras est en compétition. Catherine Tonnerot est partie. Elle se dit, bon, je veux pas le faire. Il reste que Julie, dans le fond. Je vais pas être capable. Absolument pas. Ça fait quoi le brame du cerf ? Dites-moi un peu. C'est le corps de chasse que vous nous faites. C'est le corps de chasse. Allez-y, Guillaume, si vous savez, allez-y. Je ne sais pas. Non, je crois que c'est un peu comme un râle. C'est grave. Mais on y va de nuit tout le matin pour l'entendre. C'est vrai que ça fait partie des excursions qui sont sympas à faire. Le v'là. Ah oui. Il est malade là, non ? Cancer pas content, ça brame. Tu es sûr ? On dirait une étape. C'est André qui réalise, qui envoie le truc. T'es sûr que c'est un cerf ? Ça ressemble fameusement à une vache quand même. Donc, allez, le parc à gibier, c'est ouvert de 10 à 19 heures. On peut y aller avec les enfants, pas avec les chiens. On peut pas. Parce qu'il y a des animaux sauvages, ça peut faire peur aux animaux. C'est bon à savoir. Voilà, donc vous n'allez pas avec votre petit toutou. Et il y a des tarifs pour enfants également, des tarifs de groupe. Et puis sur place, il y a bistrot, il y a halle didactique, il y a des restaurants. Bref, il y a de quoi... Il y a de quoi faire. J'aime bien parce que si vous êtes à Saint-Hubert ce matin, je sais bien que vous êtes en train de vous dire quelle bande d'idiots, ils savent même pas imiter le brame du cerf. Eh ben non. Désolé. Mais on a une vache qui imite elle-même le cerf. On peut pas tout avoir. 8h24, voici le best-of cactus de ce matin. Ce matin-là, nous étions le 11 mars et le cactus revenait sur l'affaire Michel Drucker qui arrête vivement dimanche. Oui, mais avant toute chose, aujourd'hui, 11 mars 2016, 5e anniversaire de la catastrophe de Fukushima et journée mondiale de la plomberie. L'occasion de nous recueillir et de prier pour nos centrales nucléaires qui auraient bien besoin d'un petit coup de 12 quand même de temps en temps. Fuite, fissure et vieillerie toujours, Michel Drucker l'a annoncé hier, il fallait trouver une transition. Vivement dimanche s'arrête l'après-midi sur France 2, victime expiatoire de la nouvelle politique du service public français. Alors, je voudrais, vous allez vite comprendre l'absurdité de ma démarche sur cette chaîne qui a vivacité, je voudrais ce matin m'adresser aux jeunes. Oui, Benjamin, avec vous, les auditeurs parlent à un mur, eh bien moi je parle dans le vide, voilà. Alors, aux jeunes donc, qui se seraient trompés de chaîne et leur dire toute mon admiration pour Michel Drucker, tant et si bien qu'il incarne une ère à jamais dorée. Je me souviens de l'époque bénie de Champs-Élysées, dans les années 80, j'avais 12 ou 13 ans, lui en avait

La mort d'un adolescent flamand d'origine marocaine suscite une vague de commentaires haineux sur les réseaux sociaux. Le monde politique flamand condamne. Plusieurs plaintes ont aussi été déposées auprès du Centre pour l'égalité des chances. En football, Anderlecht joue son avenir européen. Ce soir, les Mauves reçoivent les Russes de Rostov en match retour du troisième tour préliminaire de la Ligue des Champions. Ah, il faut à nouveau s'attendre à de la pluie aujourd'hui, même de la pluie abondante. Sauf, il y a quand même quelques exceptions. Si vous êtes sur le sud-ouest du territoire, les pluies sont fréquentes, mais un peu moins fortes. Et si vous êtes à la mer cet après-midi, il devrait normalement faire un petit peu plus sec, maxima à 21 degrés. Il est 8h30. Et on s'informe. Bonjour Fabien Magri. Bonjour Benjamin, bonjour à tous. RHD2, c'est un nom qui ressemble, vous en conviendrez, à un robot de la guerre des étoiles. Et pourtant, il s'agit ici d'un virus, pas sympathique en plus. Il aura des conséquences sur l'exposition de petits élevages prévue ce week-end à Xandelès. Les lapins, Anne Poncelet, n'y seront pas les bienvenus. Comme vous l'avez dit, c'est le nom d'un virus qui frappe les lapins. Il a touché plusieurs élevages en Belgique, surtout en Flandre. Par mesure de précaution, l'AFSCA, l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire, met en garde contre les risques d'épidémie et conseille la vaccination des élevages cunicoles. Ces précautions ont des conséquences sur l'exposition de petits élevages prévus tout ce week-end à Andelès. Jean-Marie Prégardien est coordinateur de l'événement. Il était très difficile aux éleveurs de se mettre en ordre de vaccination pour le premier week-end du mois d'août. Donc nos instances fédérales du petit élevage belge ont décidé, pour des raisons de prudence, d'interdire les rassemblements de lapins avant le 15 août. Donc notre manifestation malheureusement devra se passer de nos amis cuniculiculteurs. C'est une vraie tuile pour vous? Oui, quand même, parce que le secteur du petit élevage est déjà en difficulté, parce qu'on a du mal à recruter des éleveurs, surtout dans la section lapin. Il faut savoir que l'élevage du lapin prend un peu plus de temps et d'infrastructures que l'élevage de volailles, par exemple. Et ces vaccinations, évidemment, contrarient les éleveurs et risquent d'en décourager certains. D'autant plus que nous avions dû vacciner pendant à peu près 20 ans, de 1991 en 2011-2012, et on était assez heureux depuis 2 ans de ne plus devoir vacciner, et maintenant c'est le retour et pas mal d'éleveurs sont très découragés. Mais à noter que l'exposition est maintenue, l'événement comptera plus de 600 volailles en tout genre, des pigeons, des palmipèdes et des oiseaux de parc. Une exposition prévue samedi et dimanche à la salle communale Chapelier. Des volailles en revanche, il n'y en aura pas à ôter. Le projet de poulailler industriel dans ce village d'Aouan est abandonné. Un promoteur envisageait d'y installer 40 000 volailles. Une pétition contre ce projet avait recueilli 1 000 000 de signatures. Le ministre wallon de l'Environnement et du bien-être animal avait réagi en interdisant le projet. Le promoteur avait jusqu'à la mi-juillet pour réagir, introduire un recours contre cette décision. Mais le délai est passé, il ne l'a pas fait. Reste une possibilité, le promoteur pourrait décider d'introduire un nouveau dossier remodelé pour la construction de son poulailler géant. Nettoyer sa poubelle, ce n'est pas vraiment un travail qu'on effectue par plaisir. C'est pourtant le quotidien d'une entreprise stavelotaine, Bionet. Elle a en effet adapté un véhicule pour le nettoyage des duobacs. Ce sont ces poubelles à double compartiment, en usage dans certaines communes comme Stavelot, Stoumont ou encore Chauxfontaine. Un nettoyage qui respecte l'environnement. Fabien Legros, le responsable de l'entreprise, revient sur le caractère unique de son véhicule. Ah, c'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, mon épouse qui a eu l'idée du projet l'année dernière, lorsque nous avons nettoyé nos poubelles, elle s'est dit bah, c'est quand même quelque chose de fort contraignant et pas très agréable. Pourquoi est-ce qu'on ne proposerait pas ce service-là? Alors on a commencé à réfléchir et on a fait concevoir le véhicule. C'est vraiment un véhicule, je vais dire, prototype, quoi. Est-ce qu'il y a beaucoup de demandes? Ça commence. Il faut le temps de se faire connaître, le bouche à oreille, puis des gens qui parfois s'arrêtent, voient le véhicule, posent un peu des questions, des voisins. Parfois viennent nous trouver, tiens, bah, ça nous intéresse aussi, alors on fait un contrat sur place. Donc on propose un abonnement, puisqu'on sait très bien que les nettoyages uniques vont nous prendre beaucoup de temps. Donc ici, on propose l'entretien du conteneur pendant une année complète. Donc on passe une fois par mois, ou pour les professionnels, on propose 2 passages par mois. Une interview d'Olivier Tunus, et pour faire nettoyer son duobac, il en coûte 7 €. Vous trouverez tous les renseignements sur internet bio-net.be. Yeah. Chaotique, c'est ainsi que les syndicats de truck technique à Herstal qualifient le début de la procédure Renault. Une procédure qui était censée commencer hier dans cette société, mais les premières discussions avec la direction ont été reportées. Je vous rappelle qu'il est question de fermer le site des Haussards et de délocaliser cette partie de la production en République tchèque. 60 emplois sont menacés, mais les représentants du personnel espèrent encore pouvoir négocier une reprise. La rénovation du tiers de Limbourg, c'est la route qui relie Dolin au Vieux-Limbourg, va bientôt commencer. Cette route s'était effondrée en octobre 2014. 2 ans plus tard, les travaux vont débuter. Un chantier important estimé à plus de 600 000 euros, comme nous le précise l'échevin limbourgeois des travaux, Michel Bolzan. On espère pouvoir débuter dans le courant du mois de septembre. Ici, au mois d'août, nous avons une réunion de coordination de chantier avec tous les intervenants. Cette réunion de coordination, elle va servir aussi à faire l'état des lieux des maisons en bord de voirie du tiers. Il s'agira vraiment de travaux d'importance. Oui, le but ici est vraiment de recoller, je veux dire, les deux morceaux de la route avec la technique des micropieux, c'est-à-dire que les micropieux seront enfoncés à partir de la vieille route dans la voirie, quoi. Donc ce sont des travaux qui vont être assez conséquents, ce qui veut dire de nouveau fermeture de voirie totale à un moment donné du chantier. On va essayer évidemment d'éviter de fermer complètement la voirie pendant tout le chantier, mais ça sera mal nécessaire effectivement pour pouvoir réfectionner la voirie convenablement. Des travaux qui vont durer longtemps aussi. Les travaux sont prévus pour une durée de 120 jours ouvrables, donc 6 mois minimum. Une interview d'Olivier Tunus. La suite du 8-9, c'est avec Benjamin Maréchal et toute son équipe. Bah alors, RTBF Mobile Info, Stéphane. Bien sûr, la 54, c'est toujours compliqué. La 54 qui relie Nivelles à Charleroi, puisqu'un accident impliquant un camion et 4 véhicules s'est produit entre Arquen et Petit-Reux. Vous êtes donc fortement ralenti. Prudent sur la route, car il y a de la pluie. Également, un autre accident sur le 19 Bruxelles-Valenciennes entre Aubourg et Nimy, où là aussi la circulation est difficile en direction de Mons et de Valenciennes. Pour rejoindre Bruxelles, vous ralentissez également sur l'autoroute E411 qui vient de Namur, à l'approche du carrefour Léonard. Eh bien, il faut ajouter quelques minutes supplémentaires. C'est une dizaine de minutes supplémentaires pour rejoindre donc ce carrefour Léonard. De l'autre côté du ring de la capitale, eh bien la circulation est ralentie entre Ittre et Grand-Bigard en raison du chantier d'Anderlecht. 15 minutes supplémentaire. Un accident est toujours signalé à Diguem. Ça, c'est en circulation extérieure, mais il ne vous fait pas perdre trop de temps sur la route. Et si vous comptez emprunter le 40, l'autoroute de la mer, entre Bruxelles et Ostende, eh bien c'est 40 minutes supplémentaires qu'il faudra ajouter à votre temps de parcours en raison d'une zone de chantier située entre Herpemer et Zoyne. Dis, votre partenaire pour l'été. Solaire, mini-format, premier soin. Tout est chez Dis. Dis, faites-vous plaisir. Un problème sur la route? Prévenez le call center RTBF Mobile Info 0800 48 400. Salut tout le monde, si vous allumez la radio ou la télévision maintenant sur la Une Télé, en direct tout l'été, c'est le 8-9 de l'été. Dans un instant, portrait de club. Florence Lestienne, vous nous emmenez où? À Charleroi. Juste après la pause. Tout l'été, pendant les 13 semaines du Beau Vélo de Ravel, Vivacité vous emmène découvrir un site touristique ou un musée de Wallonie et de Bruxelles en famille. Écoutez Vivre ici pour gagner les 4 entrées mises en jeu. Une belle occasion de s'offrir une sortie familiale estivale en collaboration avec Ciné-Télé-Revue et 365.be. La 2, en télé. Ruben est resté jeune. C'est en compagnie d'amis humoristes qu'il présente son dernier spectacle. Moi, je roule en 4x4, je nique la couche d'ozone, mais à côté de ça, je consomme bio. Ruben fête ses 25 ans sur scène ce jeudi soir sur la 2. La Pro League, la Coupe de Belgique, la Champions League, l'Europa League, les Diables Rouges. Vivacité, le top du foot, c'est chez nous. Le 8-9. Alors, Pierre Joie a déjà été payé puisqu'il a travaillé tout à l'heure avec l'Évasion Express. Qui mérite un chèque, les people en vacances tout à l'heure? Avec du coquin, ça mérite un double chèque, non? Ça mérite un double chèque, très très bien. Vous pourrez même choisir des meubles à la RTBF. Chouette. Et repartir avec. Tout à l'heure, les applications pour smartphone. Mais pas de coquin, donc je repartirai sans chèque et sans meubles. Eh ben, nous avons un bénévole autour de la table. Bravo Guillaume, le bénévolat c'est l'avenir, mon bon monsieur. 8h39, voici le portrait de club de ce matin. Vous savez qu'avant qu'on soit vraiment au cœur des hostilités de la Division 1, on vous présente les clubs. Et ce matin, Florence Lestienne, tour à Charleroi. Oui, on parle de Charleroi. Alors d'abord, est-ce qu'autour de cette table, il y a des fans des Zèbres ? C'est obligé parce que c'est une vraie équipe. Non, mais c'est une vraie équipe wallonne. C'est, ouais. Oui. C'est une vraie équipe wallonne. Cyril de Taille, Cyril est à fond pour Charleroi. Oui. Ah oui, ça, je le. Oui, oui, c'est vrai. Va voir tous les matchs. Ah ben, il a fait son coming out il y a bien longtemps sur Charleroi. Alors qu'il y a beaucoup de fans du Standard, il faut le dire, dans les équipes. Donc vous voyez qu'il y a du public. Il y a du public. Mais est-ce que vous vous souvenez où est-ce que Charleroi avait terminé la saison dernière? Où c'était pas. Oh. Ils étaient. Oh, je le doute. Ils étaient hors en play-off il y a deux ans. Hors play-off. L'année passée, ils n'étaient pas en play-off, je crois. Non, vous avez raison, ils étaient huitièmes. Mais ensuite, ils ont quand même remporté les play-offs 2. Et puis malheureusement, ils n'ont pas réussi à se qualifier pour le championnat européen. Et mais cette année, eh bien, on reprend les mêmes et on recommence. Et l'objectif, eh bien, c'est toujours le top 6 et les play-offs 1. Alors, il y a quand même des départs. Jérémy Perbet, nom important, qui a quitté le club. Oui, il est parti à la Gantoise, tout comme un autre Carolo, Dieu merci, Ndongala. Deux joueurs importants quand même dans le jeu de Charleroi, puisque Perbet, eh bien, il était tout simplement meilleur buteur l'an dernier avec 22 réalisations. Mais les Zèbres ne sont pas restés inactifs sur le marché des transferts. Deux attaquants rejoignent l'équipe. Chris Bedia, arrivé de Tours, et Jamel Bakar, lui, venu de Montpellier. Mais une mauvaise nouvelle, en revanche, un autre attaquant, Florence Stevens, de retour après une opération du genou et un repos de 6 mois, s'est à nouveau blessé lors de la préparation. Donc, entre les départs et cette blessure, ce n'est pas top pour Charleroi. Par contre, niveau coaching, on mise sur la stabilité. Pas de changement. Felice Mazzu est toujours aux commandes. Alors, petite remise à niveau, si vous n'êtes pas encore plongé dans le championnat. Charleroi, donc, débuter le championnat par une victoire, ce qui est plutôt rassurant après une préparation qui était compliquée. Ouais, l'absence des buteurs partis à Gand s'est fait sentir. Les Zèbres ont inscrit très très peu de buts pendant cette préparation et ils ont perdu bien 4 de leurs 7 matchs pour un nul et 2 victoires. C'est quand même pas joli. Mais comme vous l'avez dit, eh bien Benjamin, ils ont quand même remporté leur premier match de championnat le week-end dernier. Une victoire 1-0 face à Westland Beveren. Une victoire compliquée obtenue grâce à un but dans les dernières minutes de jeu. Et espérons que ça se passe mieux pour la suite, puisque les prochains adversaires de Charleroi, ce sera Moucron le 6 août et puis la Gantoise le 13. Ah, c'est le gros duel les nuits, hein, Charleroi-Moucron, et c'est bien parce qu'avec Moucron, ça fait une équipe en plus en D1 pour les nuits, pas mal. Alors, tranché, Guillaume, coming out, Standard ou Charleroi? Anderlecht. Non, je refais parce qu'on va nous jeter des pierres. Standard ou Charleroi, vous devez trancher. Ben, du coup, ce sera Charleroi. Il a tranché pour Charleroi. Bien joué. Dans un instant, les invités qui sont passés chez nous, la petite Emma Bale, qui sera au Bruxelles Summer Festival, est à nouveau là ce matin. Vous voulez investir auprès d'une personne de confiance? Rendez-vous chez l'agent bancaire AXA près de chez vous ou sur axabank.be/investir. AXA, réinventons la banque. C'est l'été. Et qui dit été dit... Salut maman, dis, est-ce que tu peux nous déposer mes potes et moi à l'aéroport demain? Mais en fait, ce que votre fils veut dire, c'est... Bon maman, tu passeras bien 2 heures dans les bouchons demain pour nous déposer à l'aéroport. De toute façon, tu peux rien me refuser et puis les autres parents sont pas dispo. Allez, à demain. Rendez-vous service et faites plaisir à vos enfants en devenant amis chauffeurs. N'allez pas à l'aéroport, mais à une gare SNCB, où ils prendront le train de l'aéroport. Vous évitez les bouchons et pouvez même remporter des vacances de rêve. Participez au concours sur amichauffeur.be. Le train... Feuille morte, tout l'hiver tu es resté, gorgé d'eau sur ce sentier. Et quand le printemps revient, promeneur sur le chemin, feuille morte. Tu te tiens en embuscade pour faire glisser en cascade Jules et son vélocipède. Oh, je crois qu'il a besoin d'aide. Voilà pourquoi les AP Assurances vous proposent l'assistance vélo. Une assistance 24 heures sur 24 pour toute la famille à 60 euros par an. Plus d'infos sur lap.be. Les AP Assurances, toujours à vos côtés. Ceci est un produit d'assurance d'AGA International SA Belgian Branch. Le 8-9. Allez, au diable les futilités, voici les choses sérieuses de ce matin. Les people en vacances et donc une star du foot en vacances. Chaud, c'est le quart d'heure coquin. Ah oui les amis, si je vous dis football, vous me dites Ronaldo. Messi. Oh, directement Ronaldo Benzema. Les amis. Benzema. À mon avis, Benjamin a fait l'association entre grande star du football et coquinou. Et ben ouais, c'est Ronaldo. Ah c'est lui. Ah voilà. Ouais. Alors Ronaldo en vacances, c'est quand même un petit peu mieux que les feux de l'amour. Les amis, je peux vous dire tout de suite, c'est un feuilleton. Alors on l'a vu un petit peu partout, ces vacances-ci, à Ibiza. Une escapade sur la côte ouest, à Las Vegas aussi, l'anniversaire de Jennifer Lopez. Et alors là, il y a quelques jours, on l'a vu avec des sandales et des ongles vernis. noir. On n'a pas compris, il n'y a pas eu d'explication. Sur la photo a circulé. Il s'est verni les pieds. Tout à fait, apparemment il s'est verni les pieds. Est-ce que ça cache quelque chose? Des ongles pas très propres, pas très jolis, une mycose, je ne sais pas. Si c'était un truc pour cacher la mycose, je dis chapeau Ronaldo. C'est bien pensé. C'est pas mal. Bon, jusque-là, c'est pas très coquin, c'est pas très sexy, on s'entend bien. Par contre, ce qui cartonne pour l'instant, qu'on voit beaucoup chez notre people de Cristiano, c'est une dame qui est en couple avec lui apparemment. Elle est belle, elle est blonde. Regardez, c'est à Miami que ça se passe. Vous voyez les images sur la une en TV, sur Internet, elle tourne sur les réseaux sociaux. Elle s'appelle Cassandre Davis. Regardez un peu le popotin quand vous en aurez l'occasion. Ah oui, Julie nous montre une photo où il y a un string qui met bien le popotin en avant. Il est plutôt bien foutu son popotin à Cassandre Davis. À votre avis, pourquoi? Elle fait quoi dans la vie? Elle est bodybuildeuse. On n'est pas loin. On n'est pas loin. Boxeuse? Non. Prof de gym? Elle est prof de fitness et elle fait des cours spéciaux sur les fessiers. Ah elle fait ça en ligne. Son compte Instagram cartonne. Plus de 530 000 personnes sur ce compte-là. Et en fait, les petites vidéos, elle les montre en direct et on voit Madame Cassandre Davis ou Madame Ronaldo bouger son popotin dans tous les sens. C'est plutôt copain. Blague à part, il a un physique Ronaldo. Il a un corps de fou, hein, Guillaume. Je ne sais pas si vous avez déjà regardé, mais il a un corps de fou. Quoi. Je suis resté sur le corps de Cassandre. Oui, je ne sais pas. Moi, je suis... Je sais pas pourquoi. Moi, j'ai jeté un regard. Moi, je suis pas jaloux. J'ai pas l'habitude d'être jaloux. Il a tout compris, par contre, Cristiano. Vous avez bien raison. Oui. Et en matière de sextape, vous n'apprendrez rien à Pierre Joie, qui a fait ça bien avant les Benzema et autres. Mais comment vous savez ça? Mais parce que tout se sait toujours, mais mon bon. Mais c'était pas dans les People, ça. People suivant. The Voice France avec des rumeurs sur un nouveau coach. Oui, alors on va en France. Forcément, vous vous souvenez des coachs dans The Voice France? On Zazie. Se souvient de. Il y avait Zazie, Mika. Florent Pagny. Ouais, et Jennifer. Garou, les Garou. Amis, Garou. Alors là, apparemment, les rumeurs seraient que Zazie ne remplirait pas. Du coup, ce qui est assez étrange, c'est qu'on a vu Priscilla Betty. Est-ce qu'on se souvient de Priscilla, la petite Priscilla? Oh ouais, mais c'est, elle chantait pas mal de choses il y a quelques musique. Années. Ouais, Tchouk Tchouk Music, c'était elle, effectivement. Et on l'a vu aussi dans Danse avec les Stars, tout ça. Elle revient maintenant avec la tournée de The Voice et elle a posté une petite photo dans le fauteuil rouge, avec en légende, sur le fauteuil de The Voice, hashtag tournée TF1. Est-ce que ce serait elle la nouvelle coach de The Voice France, à votre avis? C'est bien parce que vous êtes à jour. La photo que vous nous avez amenée de Priscilla, c'est quand elle avait 12 ans au départ. Oui, c'est parce que je voulais vous faire écouter un petit son sympa de Priscilla quand elle avait 12 ans. Mais voilà, ce sera pour une autre fois peut-être. Le regarde-moi. Ouais. Ah. Elle était toute mimi dans le clip, ouais. Et comparée justement à la petite choupinette là, à ce qu'elle est devenue maintenant, une belle madame quand même. Hein. Ouais, c'est clair. On pourrait quand même être son père ou son grand-père, je pense, autour de table. Vous parlez pour qui? C'est en train de regarder Guillaume et Pierre, je me dis bon, passons à autre chose. Alors bon, 8h47, qui est venu dans le 8-9 cette saison? Emma Bell, toute jeune fille qui avait participé au tour belge des Restos du Cœur. Elle était venue ce matin-là nous présenter un live. Et pourquoi Emma Bell? Parce que toute notre semaine est consacrée au Brussels Summer Festival, où elle se produira ce 6 août. Bonjour Annabelle. Bonjour. Vous êtes donc néerlandophone, belge néerlandophone? Oui. Oui. Alors on explique deux secondes l'histoire. Comment le public vous découvre? Vous êtes une toute petite fille dans The Voice Kids en Flandre. Oui, c'est au départ. Vrai. L'année passée, j'ai participé à The Voice Kids. Et après, j'ai commencé à faire de la musique avec Hans Franke, c'était le pianiste de Voice Kids. Ouais. Et après, j'ai lancé mon premier album. Et sorry d'être indiscret, mais vous avez quel âge aujourd'hui? 16 ans. Et l'école. L'école. 16 ans. Je peux même le traduire pour être plus concret. Betreffen de school. School is done. School is over. Nee. Where is the school? Here is the school. Off school. Non, sérieux, vous allez encore à l'école en même temps? Oui. Ah, c'est une performance parce qu'elle est en train de cartonner. Et vous êtes venu ce matin avec votre guitariste pour un petit cadeau de 8h42. Voici en live avec un homme à la guitare, Emma Bell, la Belge, qui cartonne et qui sera sur scène au Resto du Cœur. La voici avec Run en direct ce matin. Except for me. nothing can take you, lead you away from home. Whenever you need me, I'll be beside you, carry you with me. I like the way back home, the way back home. Run to the water and see. Trust yourself. On est restés tous les quatre figés, sans bouger un œil. Moi j'ai les poils, hein, ça aussi. Y est. Ah, vous êtes très impressionnante parce qu'il est vraiment 8h45 et qu'elle a eu pour s'installer 40 secondes à tout casser. Ouais. Ah bah ça marche toujours parce qu'on s'est installé, on a regardé, écouté Emma Belle qui est toute mignonnette, hein, Pierre. Toute mignonnette, c'est vrai qu'on a été scotché par là. Ouais. Petit ange blond à la guitare parfaite. Guillaume, vous l'avez vu sur scène en vrai? J'ai vu sur scène à l'ancienne Belgique avec Milo et juste parfait. Et là, elle recrée l'exploit comme ça, avec peu de préparation. Elle a un peu de charisme parce que quand elle est venue, elle avait l'air d'un petit oiseau fragile flamand, parce que forcément, elle arrivait. Oiseau fragile flamand. Oui. Ce qui est différent d'un petit oiseau. C'est pas les mêmes mouettes de la côte. Vous pensez qu'il y a une frontière linguistique pour les oiseaux? Oui, parce que j'ai déjà vu des oiseaux fragiles wallons, mais ça ne va pas. Le flamand était un peu différent. Et donc sur scène, elle avait charisme. Sur scène, je crois qu'elle s'est un peu plus ouverte et si on peut dire ça comme ça, et c'était vraiment vraiment chouette. Ouais. Mesurez juste la différence. Donc là, c'était Emma Belle en live avec sa guitare un matin, et sur la version disque, ça donne ça. Run to the water and see. Je trouve que c'est quasi la même chose, et donc c'est classe en live de refaire la même chose. Elle chante juste. Hein. Ouais, elle est belle. Emma Belle, vous la croiserez au Brussels Summer Festival, date 6 août. Bon, dans un instant, 8h52, avez-vous votre smartphone en main? Quel est le nom de l'application, Guillaume? Alors, Night Swapping pour la première, et après, ce sera Party Watch pour aller chercher la soirée. Voilà, ça s'écrit comme ça à 100 ans. C'est juste après la pub. Dès 11h, Vivacité aura un air de vacances. Dès 15h, Vivacité vous donne envie de vivre ici. Moi, parfois, j'aime bien juste manger des légumes. Ah, ça tombe bien, parce que notre chou-fleur, il est tellement bon que vous n'aurez pas envie de manger autre chose. Un petit. Ah, si, monsieur Marc. Quoi? Eh ben, son prix, il est à croquer. Ah, c'est vrai. Ouais. Jusqu'à mardi, chez Carrefour Market, notre bon chou-fleur est à seulement 1,29€. Carrefour Market, la fraîcheur comme vous l'aimez. L'auto présente le mois de Waouh. Le mois d'août, mais en plus waouh. Avec chaque semaine, un mercredi. Et chaque mercredi, 500 000 euros ajoutés au jackpot. Ce mercredi, près de 1 750 000 euros à gagner. Jouez au loto. Et si les entrepreneurs wallons bénéficiaient de plus d'un milliard d'euros pour leur crédit? C'est le cas. CBC Banque Assurance. Décidez d'avancer. Soir Mag. Soir Mag propose Je commence à lire avec Martine, une collection de 16 livres. Retrouvez chaque semaine deux titres qui permettront aux enfants de découvrir le monde des livres. Dès ce mercredi, les deux premiers numéros, Martine à la maison et Martine Babysitter, au prix de 6,30€ seulement avec votre magazine. Soir Mag. Tout le monde s'y retrouve. Le 8-9. 3 secondes de conversation qui sert à rien. Vous avez vu ce temps en ce moment, Julie? C'est génial, on ne doit pas se coiffer le matin parce qu'on peut dire c'est pas moi, c'est la pluie, ça m'a complètement décoiffé. Ça, c'est clair. Dire pas c'est les chemises, tu mets un pull. Vous avez vu ce temps, Pierre? Mais je l'ai entendu. Vous tombez malade, vous n'irez mais même pas. Oui, c'est à cause du temps. Mais voilà, mais si demain vous restez dans votre lit, vous aurez mon assentiment parce que je vois bien son visage qui est en train de dépérir. Vous avez l'œil jaune. Mais quelle compassion. J'ai été ému par votre cas. Soit, tout ça pour vous dire que cet après-midi à la côte, normalement il fait sec, c'était là que je voulais en venir. 8h55, et Guillaume, application donc de cette semaine, la première s'appelle Night Swapping. À quoi ça sert? Night Swapping, alors ça vient de night, nuit. La nuit. La nuit, swapping. Échanger, voilà. Merci Julie. Le but est d'échanger des nuits. Donc déjà, c'est un moteur de recherche inversé. C'est quoi la petite subtilité? C'est que plutôt que de dire « je vais à Barcelone et trouver quelque chose via les sites classiques, Booking, etc. », non, là on dit « je veux parcourir autant de kilomètres, que ce soit nord, sud, ouest, ouest ». Voilà, par exemple, je suis prêt à parcourir 120 km. Et là, le moteur de recherche va retrouver tout ce qu'il y a dans ce rayon de 120 km. Ça, c'est une première chose. Ce qu'il y a, la deuxième chose, c'est un peu comme un Airbnb. C'est qu'on ne va pas aller dans un hôtel, une auberge de jeunesse ou un camping. C'est qu'on va vraiment aller directement chez l'habitant. L'habitant qui ne sera, et là, c'est pas le côté coquin, justement, Benjamin, c'est que l'habitant, lui, ne sera pas là. Il sera ailleurs, en vacances, peut-être chez quelqu'un d'autre. Et en fait, c'est ça. Ça forme une espèce de toile. Mais si je veux aller loger donc chez quelqu'un, est-ce que je suis obligé de mettre mon logement à disposition ? Est-ce que je suis obligé d'échanger avec mon truc ? Oui, mais pas dans l'immédiat. Vous pouvez quitter votre logement sans forcément qu'à ce moment-là, quelqu'un soit... En fait, vous allez récolter des nuits. Et c'est le slogan, hein, c'est échanger des nuits, pas de l'argent. Donc vous allez acquérir, si par exemple vous donnez 3 nuits à quelqu'un, eh bien vous avez un crédit de 3 nuits. Mmh. Et ça veut dire que vous pouvez aller passer 3 nuits ailleurs. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a quand même une petite subtilité. C'est qu'on dit pas d'argent, il y a quand même de l'argent, il faut s'inscrire. Ouais. Et l'inscription, c'est 9,90€. Donc un peu moins de 10 euros. D'accord. Ce qui en soi n'est pas trop cher. Et si je donne mon logement, je touche un truc ou pas ? Donc j'échange mon logement, je vais toucher de l'argent ? Non, jamais d'argent. Rien du tout, donc, rien. Il y a juste tout le monde s'inscrit, c'est 9,90€, et ensuite on gagne des crédits nuits. Mais vous allez me dire, mais comment je fais ? Parce qu'au début, je n'ai pas de crédit nuit, puisque je veux juste tester l'application. Ouais. Eh bien, si vous voulez tester, c'est 7€ ou 49€. Enfin, c'est de 7€ à 49€. Une nuit vaudra ce prix-là. D'accord. Donc du coup, ça dépend un peu du logement, et là, donc, c'est fait en fonction de la qualité du logement. Si c'est un appartement à Paris avec vue sur la Tour Eiffel, évidemment, on peut aller vers quelque chose de plus cher. Et on échange des logements qualité égale. Oui, c'est ce qui m'inquiétait aussi. Oui, c'est ça, parce qu'on peut un studio contre un château, quoi. Voilà, en fait, c'est à chacun de voir ce qu'il est prêt à donner et à qui. Par exemple, il y a plus de maisons ou il y a plus de chambres ? C'est pas la même chose de dire je donne ma maison. Voilà, pour l'instant, justement, ils ont un peu référencé tout ce qui était dans l'application et les logements mis à disposition. Et c'est principalement des appartements. Donc, pour le moment, on est principalement dans des appartements et surtout dans les grandes villes aussi. D'accord. Ça s'est fort développé en France. Mmh. Chez nous, beaucoup de Belges l'ont déjà testé. Et ce qu'il y a, c'est que dans les grandes villes européennes, comme Barcelone, par exemple, on en parlait tout à l'heure, là, il y a beaucoup d'appartements et des appartements souvent bien placés. Mais par exemple, si moi je décide d'aller passer une nuit à Paris, que moi j'ai un petit appartement ici à Bruxelles et que l'appartement que je convoite est beaucoup plus grand, le Parisien ne voudra peut-être pas forcément venir chez moi par la suite. Mais ça, c'est libre à lui, c'est pas une obligation. À ce stade, vous préférez quoi ? Ça ou Airbnb ? Moi, j'ai a priori plus confiance en Airbnb parce que comme on paye, il y a une garantie de j'abîme pas le logement, le truc. Julie, vous préférez quoi ? Airbnb pour l'instant, parce que je suis curieuse. Mais je testerai bien juste pour voir. Mais comme dit Guillaume, avec la période d'essai alors. Ouais, ça sera moins cher, on est d'accord. Ouais. À ce stade, vous préférez quoi, Pierre ? Moi, je préfère les palaces, moi. Alors moi aussi, j'échange un palace contre une vieille chambre chez moi, mal aménagée. La deuxième appli de ce matin, Party Watch. Ouais, donc là, on a vu où passer une nuit ou plusieurs nuits pendant les vacances. Mais pendant les vacances, on aime bien aussi un peu sortir et faire la fête. Alors, il y a beaucoup de sites, imaginons quefaire.be, qui référencent les soirées dans notre région, dans notre coin. Mais ce qui se passe avec cette application, elle est géniale, Benjamin. C'est imaginez, vous habitez où, Benjamin ? J'habite dans le monde. Le monde est un village. Le monde est un village. Et vous êtes dans une soirée dans le monde et tout d'un coup, vous dites « je m'ennuie quand même à cette soirée ». Je regarderai bien ce qu'il y a dans les alentours. Et c'est deux Anversois qui ont créé le concept, mais seulement, ils vont non pas vous donner les endroits meilleurs en fonction d'un référencement, mais plutôt en fonction de tout ce qui se passe sur Facebook, vos amis, où ils sont, etc. Donc c'est génial parce que, du coup, vous pouvez un peu voir... Devoir supplémentaire, vous allez sur la page Facebook du 8-9, vous nous mettez les deux noms avec un visuel des applis, vous faites ça dans les 5 minutes qui viennent ? Je peux faire ça, sans problème. Je ne vous force pas, j'espère. Je vais bousculer un peu. Donc page Facebook du 8-9 et vous aurez le nom précis des applications. La Chimay dorée. Caractère, fraîcheur et légèreté pour l'été. Chimay, les accords bières et fromages depuis 1876. Caroline Gillet, en attendant que nous échangions nos chambres respectives, météo. Météo, oui, avec pas mal de pluie déjà ce matin et des averses qui vont encore s'intensifier au fil des heures. Cet après-midi s'annonce maussade aussi. On aura toujours des averses parfois intenses sur une bonne moitié sud du pays. On aura sur Bruxelles, Le Hainaut, Liège, Namur, une partie de la province de Luxembourg également. Un petit vent à la mer qui sera bien sensible. Le mercure sera un peu plus clément qu'hier, on aura de 18 à 21 degrés. Merci Caroline, grande évasion après l'info. Du lundi au vendredi, de 9h à 11h, Vivacité vous emmène visiter le monde. C'est un city trip insolite que nous vous offrons entre le 1er et le 5 août. Direction Berlin, que vous découvrirez grâce à CroisiEurope. Durant 5 jours, vous naviguerez sur les cours d'eau qui entourent la trépidante capitale allemande. Séjour en pension complète à bord, visite de la ville, de châteaux et de petits coins bucoliques. Vous connaissez déjà Berlin ? Dites-le nous sur la page Facebook de l'émission La Grande Évasion, Vivacité RTBF. Avec Pierre Joie et Sarah Viss. Viva Excellente journée, vous écoutez Vivacité, il est 9h. Et à 9h, on s'informe avec Nathalie Servet. Bonjour Nathalie. Bonjour Pierre, bonjour à tous. On se croirait au mois d'octobre et cette météo capricieuse, ce n'est pas bon pour les légumes. Non, les maraîchers n'ont pas le sourire. Pour eux, l'été 2016, c'est un été à oublier. Hier, sur le marché de Coëm, Charlotte Legrand a rencontré Marcel. Ce petit producteur, basé à Chièvre dans le Hainaut, cultive ses légumes sans produits, sans pesticides. Et avec les conditions climatiques actuelles, c'est un peu la catastrophe. 50% moins. Ouais. Qu'est-ce qui manque? Ben, il manque d'haricots, il manque de tomates et il manque en tout. Hein. En salade, il y en a beaucoup qui ont pourri. On... Et maintenant, il y a encore la pluie. Il manquait de l'eau, mais maintenant, c'est trop. Une baisse de température. Jamais ce qu'il faut. Hein, ben, les légumes vont être chers cette année-ci à cause de ça. Vous avez adapté un peu les tarifs? Si on a eu des pertes, il faut remonter. Hein. En tomates, on va avoir 50% moins. En haricots jaunes, au beurre, les jaunes, on n'en a presque pas. Et ceux qui ont tout, c'est parce qu'ils importent. Ah oui, qu'ils... c'est des légumes de grosse culture, l'hydroculture, bon, c'est pas le même. Hein. Marcel, un producteur de légumes à Chièvre dans le Hainaut. 2016, une année pourrie pour les agriculteurs, sans doute aussi pour la planète. 2015, c'est déjà considéré comme la pire année en ce qui concerne le réchauffement climatique. Les températures, la montée des eaux et les émissions de gaz à effet de serre ont atteint des niveaux records l'an dernier. Et cela ne s'améliore pas cette année. C'est la conclusion d'un rapport rédigé par 450 scientifiques du monde entier. Les riverains sont parfois responsables de la pollution des cours d'eau. Oui, c'est le cas dans le Brabant wallon. Des habitants qui habitent au bord de cours d'eau qui déposent leurs déchets verts sur les berges au bord de leur jardin. Des déchets verts qui se retrouvent ensuite dans les rivières. Des actions de sensibilisation sont menées tout cet été. Monica Wachter a chaussé ses bottes. Reportage. Nous sommes à l'âne sur un petit sentier communal. Il suit le cours sinueux du Smoin, un ruisseau qu'on pourrait presque enjamber. Patrick de Fleischauer, agent constatateur, est notre guide. Dans ce cas-ci, c'est un bon exemple. Il montre des déchets verts sur la berge d'en face. Les personnes ont respecté la distance entre le tas de déchets et le cours d'eau. 5 mètres. 5 mètres pour éviter que tout ça ne se retrouve dans le Smoin. Je ne sais pas si vous avez déjà vu que devient un tas d'herbes après quelques jours. Ça ne sent pas bon. Ça donne un jus d'une drôle de couleur. Et bon, il faut éviter que ça aille dans le cours d'eau. Un cours d'eau qui va manquer d'oxygène. Et en plus, les déchets verts risquent de tomber dans l'eau et de créer des bouchons qui provoquent des inondations. Patrick de Fleischauer surveille donc ces rivières de près et s'il le faut, il intervient. On prend des photos et alors on envoie des courriers aux riverains. Et donc on sensibilise le riverain et on lui demande de nettoyer, on lui explique qu'il risque d'avoir un effondrement de berge, etc. Et si la carotte ne marche pas, il manie le bâton, une amende administrative entre 100 et 200 euros. Mais Alan, l'agent constate,